C'est un peu ça. J'ai des trucs sur le scoring que je n'ai pas encore exploité dans ma thèse. Je sais pas ce que j'ai. Bah, ça paraît. Autrement dit, parce que si vous prenez la période des années 86, vous avez une libéralisation, une ouverture des marchés. Beaucoup de gens se lancent dans ce type de crédit et perdent des fortunes. Et donc, les banquiers derrière vont essayer ça, perdre de l'argent et ensuite racheter. Bon, CTLM, c'était déjà fait, c'était Paribas et ensuite BNP, et puis tout le reste va basculer chez les banquiers. C'est-à-dire qu'il vaut mieux racheter parce que c'est une industrie que faire soi-même parce qu'on ne sait pas faire. J'avais juste, page 25, j'ai pas très bien compris vos dernières phrases. Donc, je ne les ai pas sous les yeux, mais... C'est la conclusion ou... ouais. Oui, la toute ouais. dernière phrase, pratiquement. Ah oui, c'est sur l'histoire de la gestion technique de la dette, ça. La désaffection atteint là un nouveau paroxysme. Ça, c'est la dernière phrase. Non, c'est peut-être celle qui a... Excusez-moi. Le rachat de crédit consiste désormais à accompagner les ménages dans la gestion technique de leur dette, non? Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement dire? J'essaie de le dire. Dans les années 50, on a un crédit qui est lié au bien acheté. Qui est lié parce que juridiquement, voilà, il faut payer une partie en comptant. Il y a une liste déterminée dans les années 50 de biens qu'on peut acheter à crédit. Oui. Donc, pour plein de raisons, en fait, on a le crédit qui est lié au bien. La réglementation, en plus. Le crédit est de moins en moins lié au bien. Le prêt personnel, en fait, il n'y a pas de lien juridique entre les deux. Puis le crédit revolving. Il n'y a pas de lien juridique, on ne justifie pas l'usage qu'on va faire de son argent. Et voilà. Mais après, maintenant, il y a encore un nouveau produit qui est le rachat de crédit. Donc on est encore plus loin dans le lien entre le bien acheté et le crédit, puisqu'en fait, il s'agit de racheter la dette qui avait permis d'acheter un bien. Donc voilà, donc je dis que c'est un nouveau paroxysme. Mais je dis en même temps qu'en ce moment, ils se sont vraiment calmés sur le rachat de crédit, parce qu'ils ne savent pas trop où ils en sont... voilà. Mais en même temps, ça me semble être le mouvement historique. De toute façon, dans le marché du crédit à la consommation, maintenant, c'est un produit supplémentaire et un point important d'activité, ce sera racheter les dettes. Donc accompagner le ménage, non plus dans sa carrière d'emprunteur, mais dans sa carrière de gestionnaire de dettes. Voilà. Peut-être que j'exagère, mais ça me semble... C'est hélas très juste. J'avais une remarque sur pour rebondir sur l'histoire de la comparaison internationale et de la place de l'État, du contrôle juridique ou d'une tradition sur le crédit différente. Et le sentiment que j'ai, c'est que la surprise des Américains par rapport à ce que tu as pu raconter. Et parce que je crois que la France est dans une position très singulière dans l'espace du crédit et des marchés du crédit. Puisque, ce que j'en comprends, quand même, le « là » est largement donné par les formes du marché du crédit américain et par l'entreprise américaine qui le domine et qui le diffuse. Et qui est donc extrêmement placé sur la carte de crédit et sur le crédit de bureau qu'il y a derrière. Et donc un ensemble de parties de crédit de bureau qui partagent des fichiers bancaires et donc l'information sur chacun des consommateurs. Donc il suffit de s'adresser au crédit de bureau pour avoir l'information sur chacun des consommateurs. Et donc l'existence de ces crédits de bureau est donc en France pas possible par le non-partage des fichiers. Donc là, il y a une place centrale de l'État. Et je pense qu'il faudra remonter beaucoup plus loin sur le registre du 19e et la monopolisation de l'information économique par l'État. Versus la crise des crédits de bureau américains qui sont créés au 19e. Et les usages des registres de faillite, des registres de commerce après, jusqu'au registre des impayés pour les cartes, pour les comptes bancaires. Voilà. Donc toute cette tradition du contrôle public, du monopole public de l'information, enfin monopole non, mais je ne sais pas comment dire, en tout cas la monopolisation de ces aspects d'information qui sont incarnés par l'institution du crédit bureau sur le marché américain. Et donc c'est bien sûr toujours plus mixé que ça dans la réalité, mais bon, il y aurait deux idéotypes, deux institutions pour la même fonction qui est le partage de l'information économique. Et donc, du coup, dans ton histoire, Cofidis, le fichier des trois Suisses, il est super important, j'imagine, parce que le fichier de la clientèle, du coup, c'est être un nouvel acteur sur le marché français, sachant que tu ne peux pas accéder à l'information économique simplement s'il n'y a pas de crédit bureau, il faut donc faire un historique bancaire, donc des banques ont un privilège avec à travers les historiques des comptes, et donc elles ont une information que tout nouvel arrivant ne peut pas capter, quoi. Et donc, du coup, avoir un fichier de clientèle, comme sur les trois Suisses, donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait, comment ils ont utilisé, comment ils ont fait des scorings derrière tout ça pour avoir un avantage en termes d'historique et de construction statistique en appliquant la grille du CTLM, enfin, le fichier de scoring du CTLM qui sans doute était le plus avec le ultra sur le marché à l'époque, sur un fichier avec des historiques. De clientèle beaucoup sont peut-être mieux développés que celui du CTLM, c'est peut-être cette conjonction qui fait qu'ils n'ont pas eu tant que ça de défauts de paiement parce qu'ils ont bien réussi à caler leur affaire là-dessus. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont un privilège lié à l'histoire de la construction politique des marchés en France par ce fichier. Et c'est juste pour revenir sur l'histoire de la question de départ, et je pense que la position française, quand on voit les travaux des économistes aujourd'hui sur l'information, sur les crédits, ils mettent tout le temps une sorte de continuum entre deux idéotypes, le crédit de bureau et le registre public. Et donc ils classent les marchés du crédit dans ces espèces de continuum. Et donc ils disent que la France incarnerait le pôle le plus public dans ces logiques-là, mais il n'y a aucune histoire faite de ça. C'est une sorte de... Il parle de l'instant présent, il essaie de classer les marchés comme ça. Donc notre boulot, ce serait quand même de revenir sur l'histoire super longue qui court du 19e aujourd'hui. Voilà. Et même avant. Mais c'est vrai que ce dont j'ai l'impression, c'est qu'à la fois, on retrouve ce qu'on a vu avec Tim, c'est au 19e, tout le monde se dit tout le temps il faudrait mettre en commun nos informations sur les crédits, donc toutes les associations, etc. Enfin, il y a des gens qui essayent de créer des entreprises de ça et tout. Et on a l'impression qu'il y a deux raisons pourquoi ça marche pas. Une qui pourrait marcher partout, donc qui n'explique probablement rien, c'est qu'il y a aussi un gros intérêt à garder ça dans un groupe bien contrôlé. Et donc le faire circuler dans la correspondance et dire à qui on l'envoie ou pas, c'est plus souple pour contrôler le truc. Enfin, et on voit bien, par exemple, les chambres de commerce choisir de faire circuler entre leurs membres plutôt que de faire des choses plus larges. Et puis peut-être, une hypothèse, ça peut être que justement, il y avait des registres publics en France pour certaines choses. Type les faillites. Et par exemple, enfin, non, les Américains n'osaient même pas rêver de, par exemple, le registre de faillite français, parce que c'est ce qu'on disait, si on n'a pas la preuve que, enfin, si on n'a pas une grosse affiche qui dit qui a été en faillite, il faut juste faire plein de correspondances pour essayer de comprendre si vraiment la banqueroute elle a eu lieu ou pas. Donc à l'époque, tout le monde enviait le système français de registre public de ça, mais peut-être que justement parce qu'il y avait des registres publics pour un certain nombre de choses utiles, personne n'a eu vraiment l'espace de marché pour créer les crédits de bureau, je sais pas. Puis là, on est que entre France et États-Unis, mais il faudrait pas vraiment parler des échelles. C'est comme si d'un coup, il y avait deux partenaires. Par exemple, le registre du commerce en France, il vient après plein de registres du commerce dans d'autres pays. Ouais. Et il est venu comme une innovation, alors que les rapports depuis la fin des années 1890 que j'ai vu, c'est des études de tous les autres registres du commerce mis dans d'autres pays, quoi. Donc il n'y a pas... Je pense qu'il faut aussi, puis en plus, il faut vraiment être dans une optique... C'est des acteurs qui eux-mêmes ont généralement particulièrement des problèmes avec leurs transactions internationales, et donc qui, même en dehors des États, qui regardent ce qui se passe ailleurs et qui disent mais ça marche mieux là-bas, enfin... Mais j'avais une autre idée. Non, c'était sur après en fait, mais ça m'a frappé dans ce que tu disais sur l'avantage du fichier 3 Suisses, parce que, et là, c'est moi qui n'y connais rien dans le contemporain. Ce qui m'avait frappé dans ce que Yann disait sur le scoring, c'est que justement, c'est pas basé sur un historique, c'est. Un moment, il y a eu un historique quelque part qui a permis de sortir des facteurs qui statistiquement, voilà, etc. Des profils, et après, on a fait confirmer les uns par les autres les profils en question. Et je trouve que c'est un geste intéressant, et je me demandais s'il y a une histoire intellectuelle de ça, c'est-à-dire à quel moment on s'est rendu compte que, même sans avoir d'historique, on pouvait essayer d'abstraire des types de clients et s'en sortir. C'était prédictif par rapport pour la suite. La réponse est oui. Donc, la réponse est oui. Parce que d'un point de vue intellectuel, est-ce que revient à l'article de Desrosières sur par exemple, c'est vrai que c'est un... mais par exemple, au 19e, ils ne font pas du tout ça. Voilà. Ils n'ont pas l'idée de. Ce que j'ai lu, en tout cas, pas que l'histoire, c'est vrai que c'est vraiment une amoyennisation, enfin, penser en moyenne. Parce que finalement, s'ils ont le truc de scoring de cet élève et qu'ils savent que c'est selon le nombre d'enfants, la marque de la voiture et tout, ils n'ont pas besoin de fichier des trois Suisses, potentiellement. Juste pour contribuer, pas pour répondre à. En fait, j'ai l'impression, mais j'ai pas encore creusé ce truc du scoring, c'est qu'en fait, l'objectif initial, c'est pas créer des types, etc. C'est comment, en fait, uniformiser une décision décentralisée. Bien sûr, c'est lié. Hein. Non, mais évidemment, tout se tient. Et le fait de penser que c'est le client avec ses caractéristiques individuelles qui est complètement responsable, en fait, c'est pas une idée qui va de soi. Et d'ailleurs, l'idée, c'est que le commerçant, il est responsable de la qualité de ses clients. Parce qu'on estime qu'il y a un lien quand même entre les deux. Et alors, mais en fait, du coup, en fait, rappeler ce genre de choses, bien sûr, c'est une façon, c'est un montage juridico-économique, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dessous qui est que la responsabilité, elle n'est pas inhérente à. Enfin, la construction du défaut de paiement, elle peut s'envisager différemment. Quoi. Et. Petit à petit, en fait, ça glisse de, je pense, hein, il y aurait un modèle un peu de, donc, décentralisation, décentralisation de la décision de crédit, qui fait qu'il faut qu'on soit carré sur ce qu'on demande aux gens et à qui on accepte, à qui on donne, à qui on ne donne pas. Petit à petit, ça devient un outil de marketing. C'est-à-dire que, et du coup, en fait, je me rends compte que je peux faire des stats sur mes clients, je peux même en fait, m'en servir non pas seulement pour octroyer le crédit, mais dans le cadre d'une politique commerciale plus ciblée, plus agressive, etc. Et puis, petit à petit aussi, en même temps, un outil de pilotage. Parce que si je prends des gens pas du tout risqués, je peux prendre des gens très risqués pour avoir mes 1,8% de défaut de paiement acceptable. Par contre, si je me rends compte que ça fait 6 mois que je prends donc, des gens qui sont plutôt risqués et un peu moins de pas risqués du tout, en fait là il faut que j'arrête de prendre ces mêmes gens que j'aurais pris il y a 2 mois. Mmh. En fait ça devient en même temps, il y a 3 fonctions qui viennent historiquement, mais il y a peu de travaux quand même sur, je sais pas ce que tu en penses sur ces questions de scoring, il y a le Martha Thun qui travaille là-dessus, mais c'est vrai que... Je me demande, excuse-moi, c'est intellectuellement, le banquier moyen, il n'avait pas fait des grandes études de probabilité. À quel moment un statisticien arrive à expliquer que même si on ne connaît pas l'historique de la personne, à partir d'un modèle qu'on a fait sur d'autres personnes, en tirant des variables, etc., ça va marcher pour prévoir quoi. Ouais, je ne sais pas si c'est une évidence. Il y a conflit. C'est une idée, effectivement. Il y a conflit, c'est-à-dire que en réalité, le banquier standard va avoir une réaction plutôt négative en disant non, mais moi je les connais. Et au cas par cas, il n'a pas forcément tort. Statistiquement, il a tort. Ce que dit Claire, c'est. Alors, je pense que pour enfoncer le clou, parce que je te suis vraiment là-dessus, c'est en appeler à. Parce que comme là, c'est une discussion, c'est en appeler à une histoire sociale de cette manière de gérer le risque. Mmh. Voilà, pour dire. Et ça, je pense que dans. Sans le citer, moi je le citais, mais le fait d'être dans un raisonnement probabiliste ou même un raisonnement de la moyenne, par exemple, c'est des choses qui sont socialement datées. Donc on vous renvoie à l'article de Desrosières sur faire des choses qui tiennent mesure, qui montre bien comment ce type de raisonnement c'est aussi lié à des types de progression des mathématiques. Et que cette science-là, elle a une histoire. Et que donc, c'est pour dire que l'informatique change aussi et qu'en fait c'est un processus de décision. Qui a une histoire sociale. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on avait un article sympathique empirique pour le coup à Utrecht avec Lucie Newton et Francesco Galassi sur un peu ces questions-là, où c'est prendre la question par le bout inverse, c'est prendre des archives de banques et à qui ils ont donné du crédit et essayer de comprendre s'il y avait des espèces de critères impersonnels. Ou comme on peut pas retrouver de gros motifs sur ils le donnent aux gens qui ont 3 enfants, etc. Bon, le problème c'est qu'ils ont pas assez d'informations en fait pour tester leur modèle, mais que comme c'est rien de très régulier, ça doit être probablement le banquier qui faisait selon les gens qu'il connaissait, selon des critères non standards, quoi. C'est pas évident sur les archives qu'ils ont, qui sont peut-être pas très adaptées pour ça, mais la question est intéressante, ouais. Est-ce qu'on peut... Parce qu'il peut y avoir des banquiers qui disent qu'ils font sur la base de, juste de leur lien personnel, mais qui en fait implicitement appliquent tout un tas de critères assez standards. Voilà. Est-ce qu'on peut tester ça sur les pratiques passées, quoi. Sur cette histoire sociale de l'acceptation de l'estat et du passé, il y a des travaux de Rovira Legario. Oui, qui était là, justement. Avec Crest aussi, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Et elle montre très bien comment on passe d'un registre interpersonnel moral qui est stocké dans ces données fichiers de crédit bureau à la croyance que c'est le passé qui va devenir la meilleure variable de prédiction du futur. Et il y a Isaac, je ne sais plus quoi, la firme qui devient FICO après, qui derrière, il rajoute un modèle statistique et de développement des mathématiques. Et sinon, le lien, je trouve, qui est intéressant sur cette histoire de registre versus registre public versus. Crédit bureau, c'est la logique des. Et si on fait le pareil, là encore avec le politique et la façon dont on produit de la lettre de recommandation pour passer les frontières à la carte d'identité nationale, au passeport, au registre, c'est la logique d'une identification économique, de l'évaluation de la crédibilité dans des relations interpersonnelles, une logique d'identification à travers du fichier à grande échelle. Et les méthodes administratives derrière sont sûrement très parallèles, très communes. Et il y a toute une histoire de l'identification économique à faire en France qui est sans doute très parallèle, en tirant au Montréal avec un petit fil en plus sur l'économique, je pense qu'on arrive à des choses très proches. Et par contre, et c'est pour ça que ça vaut le coup la comparaison, elle est faite aux États-Unis sur l'histoire de. Mais ils n'appellent pas ça comme ça, mais c'est une identification privée. Fait par des institutions privées qui, après, à rebours, sert l'identification publique. L'État américain, pour identifier les personnes, paye ses crédits de bureau pour savoir qui c'est. Ce qui, du point de vue de la représentation de comment fonctionne l'identification administrative en France, c'est surprenant. Ça, tu connais bien. C'est pas complètement pas fait du tout. Mais... Non, mais pour le 19e, c'est pas un peu très. Tu étais remonté gros quand même. Vous dites que c'est pas fait du tout. Que Claire, on a fait un bout quand même après, en partant du registre du commerce. Sur l'histoire de l'identification économique, je dis que c'est pas complètement vierge comme paysage. Non, d'accord. je sais, t'es toujours. Ouais, mais toi tu sais, mais on le dit pour l'édification des autres participants. Il reste à faire en termes, tu vois. Une petite question de détail, mais dans le texte, il me semble qu'à un moment donné, vous donnez le taux de rejet. C'est pas trop de rejet affiché, hein, c'est pas... Ouais. Mais qui me paraît absolument, qui est quand même considérable. Oui. Non, mais j'ai des doutes. Je le mets comme. Je le reprends comme un élément de discours. Ouais. Et en y étant. Mais en fait, tout dépend comment on calcule. Parce que si vous calculez les gens qui ne donnent pas suite, si vous les mettez comme des gens bien qui. Sûr. Tout dépend. Mais c'est vrai qu'en y étant, quand même, il y avait beaucoup de rejets. Des gens qui étaient vraiment. Enfin, au bout, je me disais, mais enfin, il pense vraiment qu'il va avoir un crédit, quoi. Mais une femme qui va dire, oh ben oui, non, je suis au foyer, je suis RMI, j'ai 3 enfants. Des éléments qui, vous font penser que c'est impossible d'avoir un crédit, puis les gens tentent quand même. Donc, il y a quand même un peu de ça. Mais après, je pense que c'est. D'où vient ce chiffre, hein. Mais je le mets comme c'est, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, c'est un discours de communication de l'entreprise. Hein. Enfin, CTM le met en avant de façon constante depuis 3 ou 4 ans seulement, mais de façon constante dans sa campagne sur je suis un prêteur responsable. Ouais, et, exactement, voilà. Ouais. C'est une manière de justifier. Oui, non, mais il peut y avoir un peu n'importe quoi dedans, mais l'important c'est de voir si ça vous. Il y a un parallèle très facile avec les revues scientifiques pour finir sur une note. Maintenant que le taux de rejet est un indice de qualité de la revue, on sait qu'il est très facile de l'augmenter en encourageant les gens à soumettre des articles farfelus. Donc, plus sérieusement, je pense que si effectivement, comme ils ont une com qui attire aussi des gens qui ne candidateraient jamais ailleurs, c'est pas très difficile d'avoir un gros taux de rejet dans ces conditions. Ah, d'accord. Et puis, il y a effectivement qu'est-ce qu'on compte ou pas. Et là aussi, on peut faire le parallèle avec. les articles dont on voit en une seconde que ce n'est pas un article scientifique, est-ce qu'on va le compter en taux de rejet? C'est un peu facile. Mais merci beaucoup, à tous, d'être venus et d'avoir présenté des textes intéressants. Si vous n'avez pas l'occasion de revenir, on espère que vous nous suivrez de loin avec le site web et on espère que vous aurez l'occasion de revenir. Merci. Merci.